C'est entendu. Le vent souffle sur toi. Toi, qui es-tu ? Une voile, une chevelure, le vent entre en toi. Toi, qui es-tu ? Une tempête, une brise, un nuage, un drapeau. L'oiseau plane sur toi. Au vent des brises et des tempêtes, l'oiseau plane sur ta tête. Tête ronde, sourire, regard bleu, vent frais, vent du matin portant les nuées au loin. C'est entendu, je te vois, tu es l'oiseau au vent.